L'oiseau du matin avait trois fois renouvelé son chant lorsque l'heure du divan sonna. Batek avait promis d'y présider en personne. Il se lève de table et s'appuie sur le bras de son vizir, plus étourdi du tapage de son bruyant convive que du vin qu'il avait bu. Ce pauvre prince pouvait à peine se soutenir. Les vizirs, les officiers de la couronne, les gens de loi, se rangèrent autour de leur souverain en demi-cercle et dans un respectueux silence. Tandis que l'Indien, avec autant de sang-froid que s'il avait été à jeun, se plaça sans façon sur une des marches du trône et riait sous cape de l'indignation que sa hardiesse causait à tous les spectateurs. Cependant, le calife, dont la tête était embarrassée, rendait justice à tort et à travers. Son premier vizir s'en aperçut et s'avisa tout à coup d'un expédient pour interrompre l'audience et sauver l'honneur de son maître. Il lui dit tout bas: « Seigneur, la princesse Karatis a passé la nuit à consulter les planètes. Elle vous fait dire que vous êtes menacé d'un danger pressant. Prenez garde que cet étranger dont vous payez quelques bijoux magiques par tant d'égards n'ait attenté à votre vie. Sa liqueur a paru vous guérir. Ce n'est peut-être qu'un poison dont l'effet sera soudain. Ne rejetez pas ce soupçon. Demandez-lui du moins comment elle est composée, où il l'a prise, et faites mention des sabres que vous semblez avoir oubliés. » Excédé des insolences de l'Indien, Batek répondit à son vizir par un signe de tête et s'adressant à ce monstre. « Lève-toi, lui dit-il, et déclare en plein divan de quelle drogue est composée la liqueur que tu m'as fait prendre. Débrouille surtout l'énigme des sabres que tu m'as vendus, et reconnais ainsi les bontés dont je t'ai comblé. » Le calife se tut après ces paroles, qu'il prononça d'un ton aussi modéré qu'il lui fut possible. Mais l'Indien, sans répondre ni quitter sa place, renouvela ses éclats de rire et ses horribles grimaces. Alors Batek ne put se contenir, d'un coup de pied il le jette de l'estrade, le suit et le frappe avec une rapidité qui excite tout le divan à l'imiter. Tous les pieds sont en l'air, on ne lui a pas donné un coup qu'on ne se sente forcé à redoubler. L'Indien prêtait beau jeu. Comme il était court, il s'était ramassé en boule et roulait sous les coups de ses assaillants, qui le suivaient partout avec un acharnement inouï. Roulant ainsi d'appartement en appartement, de chambre en chambre, la boule attirait après elle tous ceux qu'elle rencontrait. Le palais en confusion retentissait du plus épouvantable bruit. Les sultanes effrayées regardèrent à travers leurs portières, et dès que la boule parut, elles ne purent se contenir. En vain, pour les arrêter, les eunuques les pinçaient jusqu'au sang. Elles s'échappèrent de leurs mains, et ces fidèles gardiens, presque morts de frayeur, ne pouvaient eux-mêmes s'empêcher de suivre à la piste la boule fatale. Ainsi, après avoir parcouru les salles, les chambres, les cuisines, les jardins et les écuries du palais, l'Indien prit enfin le chemin des cours. Le calife, plus acharné que les autres, le suivait de près et lui lançait autant de coups de pied qu'il pouvait. Son zèle fut cause qu'il reçut lui-même quelques ruades adressées à la boule. Karatis, Morakanabad et deux ou trois autres vizirs, dont la sagesse avait jusqu'alors résisté à l'attraction générale, voulant empêcher le calife de se donner en spectacle, se jetèrent à ses genoux pour l'arrêter, mais il sauta par-dessus leur tête et continua sa course. Alors ils ordonnèrent au muezzin d'appeler le peuple à la prière, tant pour l'ôter du chemin que pour l'engager à détourner par ses vœux une telle calamité. Tout fut inutile. Il suffisait de voir cette infernale boule pour être attiré après elle. Les muezzins eux-mêmes, quoiqu'ils ne la vissent que de loin, descendirent de leur minaret et se joignirent à la foule. Elle augmenta au point que bientôt il ne resta dans les maisons de Samara que des paralytiques, des kudjats, des mourants, et des enfants à la mamelle dont les nourrices s'étaient débarrassées pour courir plus vite. Même Karatis, Morakanabad et les autres s'étaient enfin mis de la partie. Les cris des femmes échappaient de leur sérail, ceux des eunuques s'efforçant de ne pas les perdre de vue, les jurements des maris qui, tout en courant, se menaçaient les uns les autres, les coups de pied donnés et rendus, les culbutes à chaque pas, tout enfin rendait Samara semblable à une ville prise d'assaut et livrée au pillage. Enfin, le maudit Indien, sous cette forme de boule, après avoir parcouru les rues, les places publiques, laissa la ville déserte, prit la route de la plaine de Catoul et enfila une vallée au pied de la montagne des Quatre Sources. L'un des côtés de cette vallée était bordé d'une haute colline. De l'autre était un gouffre épouvantable formé par la chute des eaux. Le calife et la multitude qui le suivaient craignirent que la boule n'allât s'y jeter et redoublèrent d'efforts pour l'atteindre, mais ce fut en vain. Elle roula dans le gouffre et disparut comme un éclair. Vatek se serait sans doute précipité après le perfide Jaour s'il n'avait été retenu comme par une main invisible. La foule s'arrêta aussi. Tout devint calme. On se regardait d'un air étonné. Et malgré le ridicule de cette scène, personne ne rit. Chacun, les yeux baissés, l'air confus et taciturne, reprit le chemin de Samara et se cacha dans sa maison, sans penser qu'une force irrésistible pouvait seule porter à l'extravagance qu'on se reprochait. Car il est juste que les hommes qui se glorifient du bien dont ils ne sont que les instruments s'attribuent aussi les sottises qu'ils n'ont pu éviter. Le calife seul ne voulut pas quitter la vallée. Il ordonna qu'on y dressât ses tentes, et malgré les représentations de Karatis et de Morakanabad, il prit son poste au bord du gouffre. On avait beau lui représenter qu'en cet endroit le terrain pouvait s'ébouler, et que d'ailleurs il était trop près du magicien, leurs remontrances furent inutiles. Après avoir fait allumer 1000 flambeaux et commandé qu'on ne cessât d'en allumer, il s'étendit sur les bords fangeux du précipice et tâcha, à la faveur de ses clartés artificielles, de voir au travers des ténèbres que tous les feux de l'Empyrée n'auraient pu pénétrer. Tantôt il croyait entendre des voix qui partaient du fond de l'abîme, tantôt il s'imaginait y démêler les accents de l'Indien, mais ce n'était que le mugissement des eaux et le bruit des cataractes qui tombaient à gros bouillons des montagnes. Vatek passait la nuit dans cette violente situation. Dès que le jour commença à poindre, il se retira dans sa tente et là, sans avoir rien mangé, il s'endormit et ne se réveilla que lorsque l'obscurité vint couvrir l'hémisphère. Alors il reprit le poste de la veille et ne le quitta pas de plusieurs nuits. On le voyait marcher à grands pas et regarder les étoiles d'un air furieux, comme s'il leur reprochait de l'avoir trompé. Tout à coup, depuis la vallée jusqu'au-delà de Samara, l'azur du ciel s'entremêla de longues raies de sang. Cet horrible phénomène semblait toucher à la grande tour. Le calife voulut y monter, mais ses forces l'abandonnèrent, et transi de frayeur, il se couvrit la tête du pan de sa robe. Tous ces prodiges effrayants ne faisait qu'exciter sa curiosité. Ainsi, au lieu de rentrer en lui-même, il persista dans le dessein de rester où l'Indien avait disparu. Une nuit qu'il faisait sa promenade solitaire dans la plaine, la lune et les étoiles s'éclipsèrent subitement. D'épaisses ténèbres succédèrent à la lumière, et il entendit sortir de la terre qui tremblait la voix du Jiaour criant avec un bruit plus fort que le tonnerre. « Veux-tu te donner à moi ?» Adorer les influences terrestres et renoncer à Mahomet. À ces conditions, je t'ouvrirai le palais du feu souterrain. Là, sous des voûtes immenses, tu verras les trésors que les étoiles t'ont promis. C'est de là que j'ai tiré mes sabres. C'est là où est Suleiman, fils de Daoud, repose environné des talismans qui subjuguent le monde. Le calife, étonné, répondit en frémissant, mais pourtant du ton d'un homme qui se faisait aux aventures surnaturelles. « Où es-tu? Parais à mes yeux. Dissipe ces ténèbres dont je suis là. » Après avoir brûlé tant de flambeaux pour te découvrir, c'est bien le moins que tu montres ton effroyable visage. « Abjure donc, Mahomet, reprit l'Indien, donne-moi des preuves de ta sincérité, ou jamais tu ne me verras. » Le malheureux calife promit tout. Aussitôt le ciel s'éclaircit, et à la lueur des planètes qui semblaient enflammées, Vatek vit la terre entr'ouverte. Au fond paraissait un portail d'ébène. L'Indien, étendu devant, tenait en sa main une clé d'or et la faisait résonner contre la serrure. « Ah ! S'écria Vatek, comment puis-je descendre jusqu'à toi sans me rompre le col ? Viens me prendre et ouvre ta porte au plus vite. Tout beau ! Répondit l'Indien, sache que j'ai grand soif, et que je ne puis ouvrir qu'elle ne soit étanchée. Il me faut le sang de 50 enfants. Prends-les parmi ceux de tes vizirs et des grands de ta cour. Ni ma soif ni ta curiosité ne seront satisfaites. Retourne donc à Samara. Apporte-moi ce que je désire. Jette-le toi-même dans ce gouffre. Alors tu verras. » Après ces paroles, l'Indien tourna le dos et le calife, inspiré par les démons, se résolut au sacrifice affreux. Il fit donc semblant d'avoir repris sa tranquillité et s'achemina vers Samara aux acclamations d'un peuple qui l'aimait encore. Il dissimula si bien le trouble involontaire de son âme que Karatis et Morakanabad y furent trompés comme les autres. On ne parla plus que de fêtes et de réjouissances. On mit même sur le tapis l'histoire de la boule, dont personne n'avait encore osé ouvrir la bouche. Partout, on en riait. Cependant, tout le monde n'avait pas sujet d'en rire. Plusieurs étaient encore entre les mains des chirurgiens à la suite des blessures reçues dans cette mémorable aventure. Vatek était très aise qu'on le prît sur ce ton, parce qu'il voyait que cela le conduirait à ses abominables fins. Il avait un air affable avec tout le monde, surtout avec ses vizirs et les grands de sa cour. Le lendemain, il les invita à un repas somptueux. Peu à peu, il fit tomber la conversation sur leurs enfants et demanda d'un air de bienveillance qui d'entre eux avait les plus jolis garçons. Aussitôt, chaque père s'empresse à mettre les siens au-dessus de ceux des autres. La dispute s'échauffa, on en serait venu aux mains sans la présence du calife qui feignit de vouloir en juger par lui-même. Bientôt, on vit arriver une bande de ces pauvres enfants. La tendresse maternelle les avait ornés de tout ce qui pouvait rehausser leur beauté. Mais, tandis que cette brillante jeunesse attirait tous les yeux et tous les cœurs, Vatek l'examina avec une perfide avidité et en choisit 50 pour les sacrifier au Giaour. Alors, avec un air de bonhomie, il proposa de donner à ses petits favoris une fête dans la plaine. Il devait, disait-il, se réjouir encore plus que tous les autres du retour de sa santé. La bonté du calife enchante. Elle est bientôt connue de tout Samara. On prépare des litières, des chameaux, des chevaux. Femmes, enfants, vieillards, jeunes gens, chacun se place selon son goût. Le cortège se met en marche, suivi de tous les confiseurs de la ville et des faubourgs. Le peuple suit à pied, en foule. Tout le monde est dans la joie, et pas un ne se ressouvient de ce qu'il en a coûté à plusieurs, la dernière fois qu'on avait pris ce chemin. La soirée était belle, l'air frais, le ciel serein. Les fleurs exhalaient leur parfum. La nature en repos semblait se réjouir aux rayons du soleil couchant. Leur douce lumière dorait la cime de la montagne aux quatre sources. Elle en embellissait la descente et colorait les troupeaux bondissants. On n'entendait que le murmure des fontaines, le son des chalumeaux et la voix des bergers qui s'appelaient sur les collines. Les malheureuses victimes qu'elle était immolée dans un instant ajoutaient encore à cette touchante scène. Pleins d'innocence et de sécurité, ces enfants s'avançaient vers la plaine en ne cessant de folâtrer. L'un courait après les papillons, l'autre cueillait des fleurs ou ramassait de petites pierres luisantes. Plusieurs s'éloignaient d'un pas léger pour avoir le plaisir de s'atteindre et de se donner 1000 baisers. Déjà, on découvrait de loin l'horrible gouffre au fond duquel était le portail d'ébène. Semblable à une raie noire, il coupait la plaine par le milieu. Morakanabad et ses confrères le prirent pour un de ces bizarres ouvrages que le calife se plaisait à faire. C'est malheureux, il ne savait pas à quoi il était destiné. Vatek, qui ne voulait point qu'on examinât de trop près le lieu fatal, arrête la marche et fait tracer un grand cercle. La garde des eunuques se détache pour mesurer la lisse destinée aux courses de pied et pour préparer les anneaux que doivent enfiler les flèches. Les 50 jeunes garçons se déshabillent à la hâte. On admire la souplesse et les agréables contours de leurs membres délicats. Leurs yeux pétillent d'une joie qui se répète dans ceux de leurs parents. Chacun fait des vœux pour celui des petits combattants qui l'intéresse le plus. Tout le monde est attentif au jeu de ces êtres aimables et innocents. Le calife saisit ce moment pour s'éloigner de la foule. Il s'avance sur le bord du gouffre et entend, non sans frémir, l'Indien qui disait en grinçant des dents : « Où sont-ils ? Où sont-ils ? » Impitoyable Giaour, répondit Vatek tout troublé. N'y a-t-il pas moyen de te contenter sans le sacrifice que tu exiges? Ah, si tu voyais la beauté de ces enfants, leur grâce, leur naïveté, tu en serais attendri. La peste de ton attendrissement, bavard que tu es, s'écria l'Indien. Donne, donne-les vite, ou ma porte te sera fermée à jamais. Ne crie donc pas si haut, repartit le calife en rougissant. Oh, pour cela j'y consens, reprit le Giaour avec un sourire d'ogre. Tu ne manques pas de présence d'esprit, et j'aurai patience encore un moment. Pendant cet affreux dialogue, les jeux étaient dans toute leur vivacité. Ils finirent enfin lorsque le crépuscule gagna les montagnes. Alors, le calife, se tenant debout sur le bord de l'ouverture, cria de toutes ses forces « Que mes 50 petits favoris s'approchent de moi et qu'ils viennent selon l'ordre du succès qu'ils ont eu dans leur jeu. Au premier des vainqueurs, je donnerai mon bracelet de diamant, au second mon collier d'émeraude, au troisième ma ceinture de topaze et à chacun des autres quelques pièces de mon habillement jusqu'à mes pantoufles. » À ces paroles, les acclamations redoublèrent. On portait au nu la bonté d'un prince qui se mettait tout nu pour amuser ses sujets et encourager la jeunesse. Cependant, le calife, se déshabillant peu à peu et élevant le bras aussi haut qu'il pouvait, faisait briller chacun des prix. Mais tandis que d'une main il le donnait à l'enfant qui se hâtait de le recevoir, de l'autre il le poussait dans le gouffre, où le Giaour, toujours grommelant, répétait sans cesse « Encore, encore !» Cet horrible manège était si rapide que l'enfant qui accourait ne pouvait pas se douter du sort de ceux qui l'avaient précédé, et quant aux spectateurs, l'obscurité et la distance les empêchaient de voir. Enfin, Vatek, ayant ainsi précipité la 50e victime, crut que le Giaour viendrait le prendre et lui présenter la clé d'or. Déjà, il s'imaginait être aussi grand que Suleiman et n'avoir aucun compte à rendre, lorsque la crevasse se ferma à sa grande surprise et qu'il sentit sous ses pas la terre ferme comme à l'ordinaire. Sa rage et son désespoir ne peuvent s'exprimer. Il maudissait la perfidie de l'Indien, il l'appelait des noms les plus infâmes et frappait du pied comme pour en être entendu. Il se démena ainsi jusqu'à ce qu'étant épuisé, il tomba par terre comme s'il avait perdu le sentiment. Ses vizirs et les grands de la cour, plus près de lui que les autres, crurent d'abord qu'il s'était assis sur l'herbe pour jouer avec les enfants. Mais une sorte d'inquiétude les ayant saisis, ils s'avancèrent et virent le calife tout seul, qu'il leur dit d'un air égaré « Que voulez-vous ? Nos enfants ! Nos enfants ! » s'écrièrent-ils. « Vous êtes bien plaisants, » leur répondit-il, « de vouloir me rendre responsable des accidents de la vie. Vos enfants sont tombés en jouant dans le précipice qui était ici, et j'y serais tombé moi-même si je n'avais fait un saut en arrière. » À ces mots, les pères des 50 enfants poussent des cris perçants que les mères répétèrent d'un octave plus haut. Tandis que tous les autres, sans savoir de quoi on criait, enchérissaient sur eux par des hurlements. Bientôt, on se dit de tous côtés « C'est un tour que le calife nous a joué pour plaire à son maudit Giaour. Punissons-le de sa perfidie. Vengeons-nous. Vengeons le sang innocent. Jetons ce cruel prince dans la cataracte, et que sa mémoire même soit anéantie. » Karatis, effrayé par cette rumeur, s'approcha de Morakanabad. « Vizir, lui dit-elle, vous avez perdu deux jolis enfants. Vous devez être le plus désolé des pères. Mais vous êtes vertueux, sauvez votre maître. » « Oui, madame, répondit le vizir, je vais essayer au péril de ma vie de le tirer du danger où il est. Ensuite, je l'abandonnerai à son funeste destin. » « Baba Babalouk, poursuivit-elle, mettez-vous à la tête de vos eunuques, écartons la foule, ramenons, s'il se peut, ce malheureux prince dans son palais. » Baba Babalouk et ses compagnons, pour la première fois, se félicitèrent de ce qu'on les avait mis hors d'état d'être pères. Ils obéirent au vizir, et celui-ci, les secondant de son mieux, vint enfin à bout de sa généreuse entreprise. Alors il sortira pour pleurer à son aise. Dès que le calife fut rentré, Karatis fit fermer les portes du palais. Mais voyant que l'émeute augmentait et que de tous côtés on vomissait des imprécations, elle dit à son fils « Que vous ayez tort ou raison, n'importe. Il faut sauver votre vie. Retirons-nous dans vos appartements. De là, nous passerons dans le souterrain qui n'est connu que de vous et de moi, et gagnerons la tour, où avec le secours des muets qui n'en sont jamais sortis, nous tiendrons de reste. Baba Balouk nous croira encore dans le palais et en défendra l'entrée pour son propre intérêt. » Alors, sans nous embarrasser des conseils de ce pleureur de Morakanabad, nous verrons ce qu'il y aura de mieux à faire. Batek ne répondit pas un seul mot à tout ce que sa mère lui disait, et se laissa conduire comme elle voulut. Mais tout en marchant, il répétait « Où es-tu, horrible Djaour? N'as-tu pas encore croqué ses enfants? Où sont tes sabres, ta clé d'or, tes talismans ?» Ces paroles firent deviner à Karatis une partie de la vérité. Quand son fils se fut un peu tranquillisé dans la tour, elle n'eut pas de peine à l'attirer tout entière. Bien loin d'avoir des scrupules, elle était aussi méchante qu'une femme peut l'être, et ce n'est pas peu dire. Car ce sexe se pique de surpasser en tout celui qui lui dispute la supériorité. Le récit du calife ne causa donc à Karatis ni surprise ni horreur. Elle fut seulement frappée des promesses du Djaour et dit à son fils « Il faut avouer que ce Djaour est un peu sanguinaire. Cependant, les puissances terrestres doivent être encore plus terribles. Mais les promesses de l'un et les dons des autres valent bien la peine de faire quelques petits efforts. Nul crime ne doit coûter quand de tels trésors en sont la récompense. Cessez donc de vous plaindre de l'Indien. Il me semble que vous n'avez pas rempli toutes les conditions qu'il met à ses services. Je ne doute point qu'il ne faille faire un sacrifice au génie souterrain. Et c'est à quoi il nous faudra penser lorsque l'émeute sera apaisée. Je vais rétablir le calme, et je ne craindrai pas d'épuiser vos trésors, puisque nous en aurons bien d'autres. » Cette princesse, qui possédait merveilleusement l'art de persuader, repassa par le souterrain et s'étant rendue au palais, se montra au peuple par la fenêtre. Elle le harangua tandis que Baba Balouk jetait de l'or à pleine main. Ces deux moyens réussirent. L'émeute fut apaisée. Chacun retourna chez soi, et Karatis reprit le chemin de la tour. On annonçait la prière du point du jour, lorsque Karatis et Batek montèrent les innombrables degrés qui conduisent au sommet de la tour, et quoique la matinée fût triste et pluvieuse, ils y restèrent quelque temps. Cette sombre lueur plaisait à leur cœur méchant. Quand ils virent que le soleil allait percer les nuages, ils firent tendre un pavillon pour se mettre à l'abri de ses rayons. Le calife, harassé de fatigue, ne songea d'abord qu'à se reposer, et dans l'espérance d'avoir des visions significatives, il se livra au sommeil. De son côté, l'active Karatis, suivi d'une partie de ses muets, descendit pour préparer le sacrifice qui devait se faire la nuit prochaine. Par deux petits degrés pratiqués dans l'épaisseur du mur, et qui n'étaient connus que d'elle et de son fils, elle descendit d'abord dans des puits mystérieux qui recelaient les momies des anciens pharaons, arrachées de leurs tombeaux. Elle se rendit à une galerie, où, sous la garde de 50 négresses muettes et borgnes de l'œil droit, on conservait l'huile des serpents les plus venimeux, des cornes de rhinocéros et des bois d'une odeur suffocante coupées par des magiciens dans l'intérieur des Indes. Sans parler de mille autres raretés horribles, Karatis elle-même avait fait cette collection, dans l'espérance d'avoir un jour ou l'autre quelque commerce avec les puissances infernales qu'elle aimait passionnément et dont elle connaissait le goût. Pour s'accoutumer aux horreurs qu'elle méditait, elle resta quelque temps avec ses négresses qui louchaient d'une manière séduisante du seul œil qu'elles avaient et lorgnaient avec délice les têtes de mort et les squelettes. À mesure qu'on en tirait des armoires, elle faisait des contorsions épouvantables et tout en admirant la princesse, elle glapissait à l'étourdir. Enfin, étouffée par la mauvaise odeur, Karatis fut forcée de quitter la galerie après l'avoir dépouillée d'une partie de ses monstrueux trésors. Cependant, le calife n'avait pas eu les visions qui l'attendaient, mais il avait gagné dans ses régions exaucées un appétit dévorant. Il avait demandé à manger aux muets, et ayant totalement oublié qu'ils étaient sourds, il les battait, les mordait et les pinçait de ce qu'ils ne bougeaient pas. Heureusement pour ces misérables créatures, Karatis va mettre le holà à une scène si indécente. « Qu'est-ce donc, mon fils ? » dit-elle tout essoufflée. « J'ai cru entendre les cris de mille chauves-souris qu'on déniche d'un antre. et ce ne sont que ceux de ces pauvres muets que vous maltraitez. En vérité, vous ne méritez pas l'excellente provision que je vous apporte. « Donnez, donnez !» s'écria le calife. « Je meurs de faim !»« Ma foi, vous auriez un bon estomac, » dit-elle, « si vous pouviez digérer tout ce que j'ai ici. »« Dépêchez-vous !» repartit le calife. « Mais, au ciel, quelles horreurs! Que voulez-vous faire? Je suis prêt à vomir !»« Allons, allons !» répliqua Karatis. « Ne soyez pas si délicat. Aidez-moi à mettre tout ceci en ordre. » Vous verrez que les mêmes objets que vous rebutez vous rendront heureux. Préparons le bûcher pour le sacrifice de cette nuit, et ne songez point à manger qu'il ne soit dressé. Ne savez-vous pas que tous les rites solennels doivent être précédés d'un jeûne rigoureux ? Le calife, n'osant rien répliquer, s'abandonna à la douleur et au vent qui commençait à désoler ses entrailles, tandis que sa mère allait toujours son train. On eut bientôt arrangé sur les balustrades de la tour les fioles d'huile de serpent, les momies et les ossements. Le bûcher s'élevait, et en 3 heures, il eut 20 coudées de haut. Enfin, les ténèbres arrivèrent. Et Karatis, toute joyeuse, se dépouilla de ses vêtements. Elle battait des mains et brandissait un flambeau de graisse humaine. Les muets l'imitaient, mais Vatek, exténué de faim, ne put y tenir plus longtemps et tomba évanoui. Déjà, les gouttes brûlantes des flambeaux allumaient le bois magique. L'huile empoisonnée jetait 1000 feux bleuâtres. Les momies se consumaient et lançaient des tourbillons d'une fumée noire et opaque. Enfin, les flammes gagnant les cornes de rhinocéros, il se répandit une odeur si infecte que le calife revint à lui en sursaut et parcourut d'un œil égaré la scène flamboyante. L'huile enflammée découlait à grands flots, et les négresses, qui ne cessaient d'en apporter, joignent leurs hurlements aux cris de Karatis. Les flammes devinrent si violentes, et le poli de l'acier les réfléchissait avec tant de vivacité, que le calife, ne pouvant plus en supporter l'ardeur ni l'éclat, se réfugia sous l'étendard impérial. Frappés de la lumière qui éclairait toute la ville, les habitants de Samara se levèrent à la hâte, montèrent sur leur toit, virent la tour en feu, et descendirent à moitié nus sur la place. Leur amour pour leur souverain se réveilla encore dans ce moment, et croyant qu'il allait être brûlé dans sa tour, ils ne songèrent plus qu'à le sauver. Morakanabad sortit de sa retraite en essuyant ses larmes. Il criait au feu comme les autres. Baba Balouk, dont le nez était plus accoutumé aux odeurs magiques, se doutait que Karatis travaillait à ses opérations, et conseilla tous de rester tranquilles. On le traita de vieux poltron et d'insigne traître. On fit avancer les chameaux et les dromadaires chargés d'eau. Mais comment entrer dans la tour? Pendant qu'on s'obstinait à en forcer les portes, un vent furieux s'éleva du nord-est et répandit au loin la flamme. D'abord, le peuple recula, ensuite il redoubla de zèle. Les odeurs infernales des cornes et des momies se répandant de tous côtés empestèrent l'air et plusieurs personnes, presque suffoquées, tombèrent à la renverse. Ceux qui étaient restés debout disaient à leurs voisins « Éloignez-vous, vous empoisonnez !» Morakanabad, plus malade que les autres, faisait pitié. Partout, on se bouchait le nez, mais rien n'arrêta ceux qui enfonçaient les portes. 140 des plus robustes et des plus déterminés en vinrent à bout. Ils gagnèrent l'escalier et firent bien du chemin dans un quart d'heure. Karatis, que les signes de ses muets et de ses négresses alarmaient, s'avance sur l'escalier, en descend quelques marches, et entend plusieurs voix qui crient « Voici de l'eau !» Comme elle n'était pas mal leste pour son âge, elle regagne vite la plateforme et dit à son fils « Un moment !» Suspendez le sacrifice. Nous allons avoir de quoi le rendre encore plus beau. Certains, s'imaginant sans doute que le feu était à la tour, ont eu la témérité d'en briser les portes, jusqu'à présent inviolables, et viennent avec de l'eau. Il faut avouer qu'ils sont bien bons d'avoir oublié tous vos torts, mais n'importe. Laissons-les monter, nous les sacrifierons au Diaour. Nos muets ne manquent ni de force ni d'expérience. Ils auront bientôt dépêché des gens fatigués. Soit, répond le calife, pourvu qu'on en finisse et que je dîne. Ces malheureux ne tardèrent pas à paraître. Essoufflés d'avoir monté si vite 11 000 degrés, au désespoir que leurs seaux fussent presque vides, ils n'étaient pas plutôt arrivés que l'éclat des flammes et l'odeur des momies offusquèrent tout leur sens à la fois. Ce fut dommage, car ils ne voyaient pas le sourire agréable avec lequel les muets et les négresses leur passaient la corde au col. Mais tout n'était pas perdu, car ces aimables personnes ne se réjouissaient pas moins d'une telle scène. Jamais on n'étrangla avec plus de facilité. Chacun tombait sans résistance et expirait sans pousser un cri, de sorte que Vatek se trouva bientôt environné des corps de ses plus fidèles sujets qu'on jeta sur le bûcher. Karatis, qui pensait à tout, crut en avoir assez. Elle fit tendre les chaînes et fermer les portes d'acier qui se trouvaient sur le passage. On avait à peine exécuté ces ordres que la tour trembla. Les cadavres disparurent et les flammes, de sombre cramoisi qu'elles étaient, devinrent d'une belle couleur de rose. Une vapeur suave se fit délicieusement sentir. Les colonnes de marbre jetèrent des sons harmonieux et les cornes liquéfiées exhalèrent un parfum ravissant. Karatis, en extase, jouissait d'avance du succès de ses conjurations, tandis que les muets et les négresses, à qui les bonnes odeurs donnaient la colique, sortirent dans leur tanière en grommelant. Dès qu'ils furent partis, la scène changea. Le bûcher, les cornes et les momies firent place à une table magnifiquement servie. On y voyait au milieu d'une foule de mets exquis des flacons de vin et des vases de fakfourie où un sorbet excellent reposait sur la neige. Le calife fondit sur tout cela comme un vautour et dévorait un agneau aux pistaches. Mais Karatis, occupé de tous autres soins, tirait d'une urne de filigrane un parchemin roulé dont on ne voyait pas la fin et que son fils n'avait pas même aperçu. « Finissez donc, glouton, » lui dit-elle d'un ton imposant, « écoutez les promesses magnifiques qui vous sont faites. » Alors elle lut tout haut ce qui suit. « Vatek, mon bien-aimé, tu as surpassé mes espérances. Mes narines ont savouré le fumet de tes momies, de tes excellentes cornes et surtout de ce sang musulman que tu as répandu sur le bûcher. Lorsque la lune sera dans son plein, sors de ton palais, environné de toutes les marques de ta puissance. Que les cœurs de tes musiciens te précèdent au son des clairons et au bruit des timbales. Fais-toi suivre de l'élite de tes esclaves, de tes femmes les plus chéries, de 1000 chameaux somptueusement chargés, et prends la route d'Istakhar. C'est là que je t'attends. Là, ceint du diadème de Djan Ben Djan, et nageant dans toutes sortes de délices, les talismans de Suleyman, les trésors des sultans préadamites, te seront livrés. Mais malheur à toi si, dans ta route, tu acceptes quelque asile. » Le calife, nonobstant son luxe ordinaire, n'avait jamais si bien dîné. Il se laissa aller à la joie que lui inspiraient de si bonnes nouvelles et but de nouveau. Karatis ne haïssait pas le vin et faisait raison à toutes les rasades qu'il portait par ironie à la santé de Mahomet. Cette perfide liqueur acheva de les remplir d'une confiance impie. Il blasphémait. L'âne de Balaam, le chien des sept dormants et les autres animaux qui sont dans le paradis du saint prophète devinrent le sujet de leur scandaleuse plaisanterie. En ce bel état, ils descendirent gaiement les 11 000 degrés, se moquant des faces inquiètes qu'ils voyaient sur la place, à travers les soupiraux de la tour, gagnèrent le souterrain et arrivèrent dans les appartements royaux. Baba Balouk s'y promenait d'un air tranquille en donnant ses ordres aux eunuques qui mouchaient les bougies et peignaient les beaux yeux des circassiennes. Il n'eut pas plus tôt aperçu le calife qu'il dit « Ah, je vois bien que vous n'êtes pas brûlé, je m'en doutais. Que nous importe ce que tu as pensé ou ce que tu penses ?» s'écria Karatis. « Bah, cours dire à Morakanabad que nous voulons lui parler, et surtout, ne t'arrête pas pour faire tes insipides réflexions. » Le grand vizir arriva sans délai. Vatek et sa mère le reçurent avec beaucoup de gravité, lui dirent d'un ton plaintif que le feu du sommet de la tour était éteint, mais que, par malheur, il en avait coûté la vie aux braves gens qui étaient venus à leur secours. « Encore des malheurs !» s'écria Morakanabad en gémissant. « Ah, commandeur des fidèles, notre saint prophète est sans doute irrité contre nous. C'est à vous à l'apaiser. »« Nous l'apaiserons de reste, » répondit le calife, avec un sourire qui n'annonçait rien de bon. « Vous aurez assez de loisirs pour vaquer à vos prières. Ce pays m'abîme la santé, je veux changer d'air. La montagne aux quatre sources m'ennuie. Il faut que je boive du ruisseau de Rocnabad et me rafraîchisse dans les beaux vallons qui l'arrosent. En mon absence, vous gouvernerez mes états, d'après les conseils de ma mère, et aurez soin de lui fournir tout ce qu'elle désirera pour ses expériences. Car vous savez bien que notre tour est remplie de choses précieuses pour les sciences. La tour n'était guère du goût de Morakanabad. Sa construction avait épuisé les trésors prodigieux, et il n'y avait vu porter que des négresses, des muets et de vilaines drogues. Il ne savait non plus que penser de Karatis, qui prenait toutes les couleurs comme le caméléon. Sa maudite éloquence avait souvent mis le pauvre musulman aux abois. Mais si elle ne valait pas grand-chose, son fils était encore pire, et il se réjouissait d'en être délivré. Il alla donc calmer le peuple et préparer tout pour le voyage de son maître. Vatek, dans l'espoir de plaire davantage aux esprits du palais souterrain, voulait que son voyage fût d'une magnificence inouïe. Pour cet effet, il confisqua à droite et à gauche les biens de ses sujets, pendant que sa digne mère visitait les harems et les dépouillait de leurs pierreries. Toutes les couturières, toutes les brodeuses de Samara et des autres grandes villes à 50 lieues à la ronde travaillaient sans relâche aux palanquins, aux sofas, aux canapés et aux litières qui devaient embellir le train du monarque. On enleva toutes les belles toiles de Masulipatan et on employa tant de mousseline pour enjoliver Baba Balouk et les autres eunuques noirs qu'il n'en restait pas une aune dans tout l'Irak babylonien. Pendant que ces préparatifs se faisaient, Karatis donnait de petits soupers pour se rendre agréable aux puissances ténébreuses. Les dames les plus fameuses par leur beauté y étaient invitées. Elles recherchaient surtout les plus blanches et les plus délicates. Rien n'était aussi élégant que ces soupers. Mais lorsque la gaieté devenait générale, ces eunuques faisaient couler sous la table des vipères et y vidaient des pots remplis de scorpions. On pense bien que tout cela mordait à merveille. Karatis faisait semblant de ne pas s'en apercevoir et personne n'osait bouger. Lorsqu'elle voyait que les convives allaient expirer, elle s'amusait à panser quelques plaies avec une excellente thériaque de sa composition, car cette bonne princesse avait en horreur l'oisiveté. Vatek n'était pas aussi laborieux que sa mère. Il passait son temps à tirer parti des sens dans les palais qui leur étaient dédiés. On ne le voyait plus ni au divan ni à la mosquée, et pendant qu'une moitié de Samara suivait son exemple, l'autre gémissait des progrès de la corruption.